Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui mon poteau de Paris, monsieur Richie. Ouais, salut tout le monde, ça va Sofiane? Ça va tranquille et toi? Merci d'avoir accepté l'invitation. Ouais, ça fait plaisir. Hein. Là, on est garé, tranquille, je vais monter sur scène dans pas longtemps. Dans quelques minutes, tu vas monter sur scène. Ouais. Et juste avant, tu vas pouvoir nous livrer une ou plusieurs anecdotes. Ouais, franchement là, on peut faire, je sais pas combien d'épisodes si tu veux, mais les là, les anecdotes. La vie entière d'humoriste est une galère. Ouais, déjà, tu vois, déjà. Et j'en ai une, en fait là, j'en ai deux qui me viennent en tête, tu vois. La première, c'était il y a pas longtemps en plus, tu vois. Ouais. C'est un pote qui est, lui il est breaker, tu vois. Mmh. Et il m'a dit, vas-y, j'ai un pote, il fait un mariage rebeu. Ouais. Donc vas-y, va là-bas et il y aura de la musique et tout, tu vois, donc tu peux faire un passage. Et t'as joué donc dans un mariage rebeu. Je l'ai déjà fait, je sais ce que c'est. Ouais. C'est en fait, très très dur. Franchement, il y avait bête d'ambiance, tu vois. Les gens, ils étaient super sympas, ils m'ont applaudi de fou et tout. Mmh. Mais en fait, j'ai fait, je sais pas ce qui s'est passé, tu vois. Ouais. Mais j'ai fait 10 minutes et au bout de 8 minutes, les gens. Ils t'ont lâché. Non, je te jure, c'est pas ça. Il y en a, ils sont montés sur scène, ils ont commencé à danser. Oh là là. Tout ça, c'est tout, tu vois. Gratuit comme ça, quoi. Voilà. Il y a une meuf au premier rang, elle m'a. Genre au début, quand je suis arrivé, elle m'a dit je crois, j'ai une blague. Et moi, je fais bah vas-y, hein, tu vois. Ouais. Je vais pas répéter la blague. Uh-huh. Et genre, ça a mis un blanc, tu vois. Et du coup, moi, je lui dis ouais, c'est tout ce que t'avais à dire, tu vois. Ouais, ouais. Et. Voilà, c'était ça l'anecdote, mais franchement, donc en fait... Donc ouais, ça a été dur pour toi, 10 minutes, genre ouais. jusqu'à 8 minutes, c'était cool. Ouais. Et les deux dernières minutes, genre les gens ont commencé à prendre leurs aises et monter sur scène et tout, quoi. Ouais, après, là, il y en a une autre, c'était il y a genre 6-7 mois, tu vois. Ouais. C'était dans une grande salle en plus, hein. C'était mmh. vraiment grande salle. Mmh. Il y avait genre facile 100 personnes et c'était en... Je sais plus c'était où, mais en gros, il y a un mec qui passe sur scène, normal et tout, et à un moment, il parle d'un film, je sais plus c'était quoi, tu vois. Et moi, je suis au fond de la salle et je vois, il y a des gens, ils rigolent, mais il y avait un drôle, tu vois, encore. C'était pas encore la chute, tu vois. Il parlait d'un film, mais les gens rigolaient parce qu'ils savaient pas ce que c'était, tu vois. Et t'as un mec au fond, il a pété un câble, tu vois. Il s'est levé, il a fait, vous êtes sérieux, vous connaissez pas? Hey, vous êtes jamais allé au cinéma ou quoi, tu vois. Il a pété un plomb, il a insulté tout le monde, il s'est levé, il est parti. Sérieux? Ça a mis un malaise, non, moi j'ai explosé à ce moment-là. Bah ouais, non, mais normalement, tu en engueules pas le public parce qu'il a pas ta référence. Ouais, ah gros, là, j'en pouvais plus, là, c'était trop. Ça jette un froid. Ouais, non, c'est sûr. Bah écoute, y a pas de souci, merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Donc sur les réseaux sociaux, on tape Richie. Ouais, Richie. Et sur Facebook, donc, c'est... Donc R-I-2-C-I. Ouais, c'est ça. Ou alors, vous voyez dans les amis de Sofiane, quoi. Ouais, ouais, ouais, on est en amis, ouais, c'est sûr. Ouais, voilà. Donc sur Insta, c'est Richie. Et sur Facebook? Facebook, ouais, c'est chelou, c'est R-J Richinho, tu vois. Mais R-J regardez Richinho. Dans les amis de Sofiane, d'accord. Il y a moi aussi. Donc la lettre R, la lettre J, et Richinho, donc c'est R-I-2-C-I-N-H-O, voilà. Je crois. Voilà, ok. Et ok, bah très bien, merci beaucoup. Merci. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, donc Sofiane Etaï, E2TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.